Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus festif de la galaxie. Je suis Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon fidèle équipage composé de Tuki. Bonjour. en mode festif hein, ce soir. Maddy. Bonjour. J'ai loupé Adrien. Adrien. Salut tout le monde. Et j'ai aussi oublié Ika. Juste Tuki et Maddy finalement. Coucou tout le monde. T'oublies tout le monde en fait. Voilà. Et notre super invité aujourd'hui, Koda Leia. Bonsoir, bonjour. Koda. Coucou tout le monde en mode festif. Voilà. Enfin quelqu'un qui est dans le bon mood. Les autres ils sont pas contents parce que je les oublie, mais peut-être que je vous oublierai pas si vous faisiez un peu plus la fête. Ah, oh, c'est pas possible. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Ben c'est très simple, c'est écrit dans le titre. On va regarder la caravane du courage et vous donner un merveilleux commentaire audio. Ça va être parfait pour la fin d'année. Regardez le film sous sa couette en écoutant une bande de personnes très intelligentes qui vont commenter le... Oula. Oui, voilà, Adrien. qui vont... commenter. Alors, je vais vous prévenir tout de suite. Je crois qu'il n'y a que Koda et Ika qui ont vu le film. Non, j'ai pas vu moi. Ah, mais je croyais que tu l'avais déjà vu. Non. J'étais déjà. J'avais 3 ans quand il est sorti, mais je l'ai pas vu. Ah, je croyais. J'ai vu le dessin animé, mais j'ai pas vu celui-là. Ah, non. C'est la série que tu as vue. Oh, mais attendez, c'est encore plus drôle. Oui, j'en ai aucun souvenir. J'étais petite à l'époque. C'est vraiment mode découverte, quoi, le... Ah, total, aujourd'hui. Total. C'est incroyable. Ouais, bah, si vous voulez, je me déconnecte. Ouais, ce serait mieux, oui. Je vais pas te cacher que ça fait quelques temps qu'on se dit que peut-être que t'es de trop dans l'équipe, Ika, donc... Et joyeuse fête. Je sais même pas quoi te dire. Donc, Adrien, c'est toi qui de notre côté, gère tout ceci. Donc, est-ce que tu peux expliquer à nos chers téléspectateurs qui ne nous regardent pas à la télé, bien évidemment, ceux qui sont chez eux. Voilà. Du coup, quelle est la version que on regarde? Oui. Quelques précisions avant qu'on se lance. Oui, tout d'abord, joyeux Life Day à vous tous. On va regarder ensemble le film The Ewok Adventure, Caravan of Courage, en français, La Caravane du Courage. C'est un film qui est disponible depuis quelques mois maintenant sur Disney+. Si vous avez un abonnement, vous pouvez le regarder. Et il se trouve que nous, on ne regarde pas depuis Disney+ chez nous, mais c'est la même version, exactement la même. Donc il va juste falloir que vous vous synchronisiez avec nous et à notre top, que vous mettiez play à votre film alors qu'il est en zéro. Voilà, en gros, vous commencez le film, vous lancez le film, vous mettez pause aussitôt et vous mettez play en même temps que nous pour que vous puissiez avoir nos commentaires audio en même temps que vous regardez ce film qui a l'air magistralement incroyable. Est-ce que c'est compréhensible, vous pensez? C'est bon? Oui, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Est-ce que tout le monde est prêt? Qu'est-ce que vous attendez de cette découverte, du coup, cher équipage? Moi, j'attends... Ça va être trop bien. Moi, je pense vraiment, premier degré, que je vais adorer. J'ai jamais vu ce film, et en plus, au moment où on enregistre, on est en plein dans Willow. Du coup, je suis un peu dans ma Warwick Davis mania, et ouais, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. T'es jamais sorti de ta Warwick Davis? Je sais pas, moi, j'attends de voir... Moi, j'attends de voir si il est expressément années 80. Est-ce que ça se sent à ce point-là? Et est-ce que je vais cringe ou pas? Je ne sais pas. Je vais voir. Oh, j'espère. Ah oui, ça le rendra encore mieux. On croise tous les doigts. Ça va être d'autant plus cringe que c'est un pur téléfilm avec un. C'est pas un budget film cinéma, quoi. C'est pas sorti aux États-Unis. Oh, c'est incroyable, oui, évidemment. Est-ce qu'on est, tu sais, niveau Caverne de la Rose? Ah, mais ça, c'était bien. Dans ce genre-là, tu vois. Ça, c'était bien à côté. Très bien, mon cher Adrien, je te laisse donner le top départ. Fun fact, la première fois que j'ai rencontré Adrien, je lui ai offert le DVD. Absolument. J'ai le DVD que j'ai dit de faire dans ma bibliothèque à côté de Star Wars épisode 8 et de la trilogie originale. Donc c'est vraiment... Merci encore, Maddy. Du coup... Parce qu'il faut savoir que je déteste Adrien, du coup je lui ai donné un cadeau bien... C'est ça. Bah, là... Bien claqué. La fois où elle est venue, la fois d'après où elle est venue chez moi, elle m'a littéralement craché dessus. Donc ouais, c'est vraiment dire à quel point elle me déteste. Moi, je pense que c'était mérité. Mais oui, bon, c'est comme après, ça qu'on fait en Normandie. C'est ça, pour dire bonjour. Exactement. Du coup, si vous nous écoutez chez vous, mettez donc votre film Caravan of Courage qui est disponible sur Disney Plus à 0, donc 002.00, et vous mettez play à mon top. On va faire 3, 2, 1, top. 3, 2, 1, top! Et bon film à vous. On voit le logo de la 20th Century Fox. Si vous... Oui, celui qui gigote un peu, qui est un peu Parkinson. Ça bug? Oui, je sais pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est parce que sur les vieux films, ça bougeait. Ouais, plusieurs fois pendant le film, je pense une fois ou deux, je vais vous rappeler la minute à laquelle on est pour éviter que certaines personnes soient désynchronisées. On n'a pas précisé, incroyable. Mais on regarde le film en VO. Oui. Oh, c'est le Seigneur des Anneaux, là, littéralement. Ouais, ils aiment bien filmer de nuit, en ce moment. Du coup, c'est déjà nul. C'est à l'époque où on savait filmer de nuit. C'est le deuxième film, disons, c'est premier, ça. Hein. C'est le premier, ouais. Ouais. C'est le premier, Sinon, on comprendrait pas l'histoire. Ah oui, c'est les parents, ça, d'accord. Oui, on aurait commencé par le premier, quoi. On comprendra. On va déjà pas comprendre. Bah, si, c'est George Lucas, hein, tu commences par le quatrième. Oh, il y a Mace. Le mec, il cherche de Windu, là. C'est un fan de la prélogie. Ah, je suis désolé, mais je l'appelle Windu, maintenant, le personnage, hein, c'est... Est-ce qu'il est aussi chiant que Mace Windu? Bah, je pense qu'il est moins badass, en tout cas. On va voir. Ah, la doudoune. Bah, tu voulais du 80s Ah bah oui, à fond, je veux des épaulettes, hein. Vous pensez qu'il a fait un article sur ce vaisseau, Pierre, comment, Spaceship... Faudrait qu'on lui demande. Oh non. Les bruitages de pieds, enfin le bruit de leurs pieds, on dirait des bruitages faits dans une pièce vide et qu'ils ont ajouté là. Même quand ils parlent, hein, t'entends le. Oh, c'est incroyable! Moi j'aime vraiment bien ce genre de monstre. C'est juste un bûcheron. Un bûcheron un peu plus. C'est le costume de Chewbacca avec un masque. C'est improbable que ce truc géant existe sur la même planète que les Ewoks et que les Ewoks aient survécu. Quoi. Oh, la typo, elle est incroyable. Mais ça se trouve, ce truc géant, c'est la proie des Ewoks. Hein. Oui, alors à mon avis, les Ewoks sont au sommet de la chaîne alimentaire, hein, sur Endor. Jérémite. Et Katharine. Ah, c'est Joe Johnston qui a fait le hockey. Écoute. Ouais, et story, bah, George Lucas, ouais. Donc encore une fois... On recycle les matte paintings, là, c'est bien. T'es déçu que ça soit pas Williams à la musique, mais bon, tant pis. Je pense que lui, il l'est pas. Il a vu le script, il a fait non, George, non, c'est mort. j'ai pas le time pour ça. Non, mais tu comprends, il y a un nouveau Indiana Jones. T'as fini, j'ai pas le temps. Mon cœur balance. Mais quelqu'un qui se fait blow, là. Est-ce qu'on sait si on est après dans la chronologie, après Return of the Jedi ou pas? C'est avant. Non, je crois que c'est avant. D'accord, ok. J'imagine que c'est avant. Hein. C'est avant et on voit qu'ils ont des vrais chevaux. Hein. C'est des poneys. Par contre, ils ouvrent pas la bouche quand ils parlent. Attends, mais c'est quoi? Il y a un narrateur en fait? On dirait, ouais. Oui, il y a un narrateur, ouais. Bah c'est oui, il y a un faux documentaire animalier, j'ai l'impression. Moi, je vois un documentaire animalier. En vrai, ça aurait été vachement mieux. Ouais, ça aurait été trop bien. Concept. Chaudou. Ils ont vraiment traduit leur... Chaudoukou. Chaudou. Chaudou. Dis chaudouchi, dis-je. Oui, ils ouvrent pas la bouche, ils avaient pas... Il n'y a pas de soupe pour l'articulation. Chaudou. Ils avaient pas la technologie pour ouvrir la bouche. Chaudou, dis-je. Yab-nab. Pourquoi George Lucas, il a jamais fait de remaster de ces films-là? Il en a fait, il a refait tous les effets spéciaux et tout des Star Wars, il aurait pu les refaire pour les Ewoks. Ouais, c'est comme si ils étaient pas aussi bien que... On aurait dû demander à Ximnut aussi. C'est vrai. Le Skin Glider, c'est génial. Donc ils ont Léonard de Vinci chez eux, par contre, ouais. Oh, les chèvres. Trubles. Diche. Est-ce que c'est Wicket? Oui, c'est Wicket, le petit. Oui, c'est Wicket. Je crois que c'est Wicket, oui. Mais oui, c'est Wicket, ouais. Ça, même le narrateur, il le dit, tu vois. Bah si, sinon c'est j'aurais pas dit c'est Wicket. Wicket, le skate. Par contre, les décors, ça fait pas très Endor tel qu'on le connaît. Ça fait vraiment petite maison dans la prairie. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, ça que... Ça fait Californie du Sud, ouais. Genre, depuis quand ils ont des plaines? Non, vous avez pas vu Star Wars 9? Star Wars quoi? Non, j'avoue que je m'en souviens plus. Il est pas sorti, le film. Mon esprit l'a oblitéré, tu vois. Ils ont des chèvres sur Endor, incroyable. Oh, la chèvre. C'est la chèvre complètement humaine. Oh merde, il va crever. Enfin, complètement terrestre. Eh ben, bien joué. Delta plane. Fun fact, ils ont vraiment tourné ça avec un vrai delta plane. Et un vrai. Vous pensez que Star Wars Universe, il va faire une vidéo pour dire que les chèvres, c'est pas Star Wars? Ah. Ah oui, delta plane, c'est pas très Star Wars, non? Star Wars Theory, Star Wars Theory. Ah oui, on Star Wars Universe, c'est... Ils ont qu'à arrêter de taper Star Wars. Ils lui disent juste au revoir en mode adieu. Adieu. Adieu. Fais attention à l'atterrissage. Ça va trancher, chérie. Pardon? En fait, c'est une pile, mec. C'est clair. Il avait perdu ses enfants, j'ai pas suivi. Ah, lui aussi, il a paumé ses enfants. Responsables, oui, darons, ça le il disait au début. Ils ont tous pas... perdu leurs enfants. En fait, c'est juste un film sur les mauvais parents qui perdent tous leurs gosses. Après, il a l'air affreux. Ils passent leur temps à se taper, en fait. Ah, ils étaient en train de se foutre sur la tronche, comme d'habitude. Mais elle était où l'aviation Ewok du coup pendant la bataille d'Andor? Ils en avaient pas besoin déjà, juste les Ewoks tout seuls c'était trop fort. Et ils en utilisent dans le film, non? Des gliders comme ça? C'est une bonne question. Je sais pas. Je crois qu'ils utilisent des Il va falloir qu'on fasse un commentaire audio de tous les films, hein, vraiment. Ce serait drôle. C'est ce qu'on avait dit, ouais. Mais on n'a pas vraiment eu le temps cette année, c'est un peu compliqué. Quand on aura le temps, il faudra vraiment le faire parce que. J'ai trop hâte de redécouvrir le film avec vous. Voilà, je vous dis. Il doit avoir trop chaud les acteurs là-dedans. Ouais. Ouais, parce qu'il a pas l'air de faire frais. Hein. Il tourne en Californie. Là. En Californie du Sud. Surtout que c'est potentiellement que des enfants. Oh, parfait. Oh, yeah. Alors, des cascadeurs enfants. C'est plus des personnes de petite taille que des enfants pour le coup. Dans la plupart des costumes, ouais, des Ewoks. Que... Oui, sans doute, ouais. Ça n'a pas gêné de faire bosser Warwick Davis à 12 ans, quoi. Ça, c'est un précurseur, ouais. Hein, les films de la planète des singes avec... comment il s'appelle? Oh, j'avais son nom sur la... Avec Gollum. Oui, avec Gollum. Avec Andy Serkis, ils se sont inspirés de ça, en fait. Alors, autant le film est ce qu'il est, autant je trouve que les paysages sont... sont plutôt jolis, les couleurs de notre version en tout cas sont pas mal, hein. Ouais, la couleur est bien, ouais. On est d'accord, hein. Mais là, ça fait plus Andor. Oui, ça va. Bah, c'est le décor naturel, quoi. Ouais, ouais, mais c'est même les couleurs. Oh, ça fait trop chier. Je vois ça, la passe. C'est un chien. Ah, trop mignon, les Ewoks. Que tu regardes par la fenêtre, hein. J'ai une copine qui avait un costume d'Ewok pour sa petite fille. Oh, c'est trop adorable. Ah, Tarzan, je connais. Ah. Non, mais en fait, du coup, le père humain, il est nul à chier. J'aurais fait, ah, je vais revérifier le vaisseau, voir si les enfants sont pas dedans. Et puis, il a même pas trouvé ses gosses. En fait, il cherchait les Ewoks. Ah non, mais sa méthode de chercher, ça devait être juste regarder, et puis voilà, c'est bon. Ah, oh, super. Ah, j'ai regardé dans le vaisseau. Ah, boucle d'or et trois ours, quoi. Le remake. Trop chelou, Stewo, qui s'est rasé partout, là. Si, là, c'est bizarre, quand il part, il ouvre pas la bouche, ça me perturbe. Ah, et puis là, il a la dalle, là. Il se dit, oh putain, j'ai trouvé de quoi manger. Oh, un gigot. Ah bah on sait qu'il mange des humains, donc... Il mange des fascistes. Elle a le même bandeau que Olivia Newton-John dans son clip Physical. Il est adorable, cet Ewok. C'est marrant, on n'a pas la même définition de ce mot-là, c'est... je pense. En comparaison des autres, il n'est pas terrifiant. Ah, oui, d'accord. Disons ça. Ah, c'est Luke Skywalker. Enfin, ce qu'il y a au cœur du pauvre. Ok, je déteste Windu. Putain, on a un futur incel, là. Je suis désolé, il a raison, ils sont très moches. Ah, comment il parle! Ta gueule! Ah, ils sont pas bien du tout, c'est horrible! Mais quelle est-elle, ma maman! Ah oui, ils vont vraiment faire un gigot, en fait! Bah, finalement, on va bouffer ils ont des lamas! Oh, des lamas! C'est vraiment un Mark Hamill look-alike, quand même! Ouais, c'est vrai! Ouais! Mais clairement, c'est la même coupe! Plus une tête à claque, là! Ils ont des yeux terrifiants, les yeux. Un teddy bear. Ils clignent pas des yeux, en plus, du coup. T'imagines, ils font cuire le... Oh non. Ils font cuire Mace, et après, ils en proposent un morceau à la gamine. Ah. Alors, en vrai, je suis désolé, on parle mal, mais vraiment, Warwick Davis a eu une meilleure adolescence que nous tous. Hein. C'est pas compliqué pour moi. J'allais dire, c'est pas difficile. Hein. Ils disent qu'ils ont que 4 mots dans leur vocabulaire. C'est littéralement des schtroumpfs. Ah, un nouveau mot. Un lourdeau, super. Ça fait très Teletubbies, hein, quand même. Regarde, c'est ma fiancée. Assieds-toi, on va te faire bouffer ton frère. Il veut lui proposer du gouda. Oh. Elle est malade. Non, on va pas bouffer des couches, enfin. On va manger des couches. De toute façon, il lui demande s'il mange cachère. Oui, tiens, une flûte. Tiens, mange ce bout de bois. C'est des huîtres quand t'as faim, bon. Des huîtres. Il y a eu le Covid déjà là-bas. Ah, ça a commencé là-bas. Hein. Oh, non. Ah, ça vient de là-bas. Ça vient de la lune d'Endor. Voilà. D'avoir des parents anti-vax. Et voilà, elle est morte. Fin du film. Ouais, ils vont pouvoir faire un jeu. Le géant, là, c'était le médecin. On croyait qu'il avait une hache, mais c'était une seringue avec le vaccin dedans. I wish Dad was there. He'd know what to do. Le mec, il vous a même pas trouvé dans son vaisseau qui fait 5 mètres carrés. Bah, ceci dit, eux, ils ont pas répondu non plus hein, quand ils les appelaient. Ouais, mais bon, c'est des enfants. C'est quoi, pas que tu t'attends à ce qu'ils se coopèrent. Il avait juste ouvert une porte de placard, le gars, il avait pas réussi à faire ça. Non, c'est de la drogue. Pourquoi il goûte ça? Est-ce que c'est du Doliprane? Il prend son doigt dans le Doliprane pour bébé et puis il goûte comme ça. Ouais, c'est vraiment du Doliprane. Il... Non mais si ça se trouve c'est poison pour enfin c'est bon pour les Ewoks mais poison pour les humains donc. Oh il joue pas bien, oh là là. Bah c'est un enfant. Il jouait bien quand il essayait de massacrer tout le monde avec son gun là mais. Oh, depuis... Oh putain, mais connard! Néglé! Poney! Putain, mais ils ont une ferme complète. Tout à l'heure, on va avoir des poulets et des oies. Mais je crois qu'il y en a dans le deuxième film. Il a ruiné Star Wars parce qu'il est quelqu'un du Snake à un moment. Ah, ça, c'est les jumeaux là qui se tapent dessus? Oh, bah. Ils se mettent des sacrés mandales. Oh, j'aurais dû les laisser sur la paroi, hein. Eh, mais il se tape vraiment fort, en plus. Mais il se tape de ouf. C'est des enfants. C'est des vrais enfants. À la limite, c'est les plus fun, là, les deux. Oui, Kate, tu es cringe. Ah, il fait sa sérénade, maintenant, lui. C'est clair. Il essaie de lui filer des allergies, là. C'est ça. Son regard de psychopathe, là, c'est pas vrai. Et le rhume des foins. Tiens, Dieu. Oh, Bible. Parce qu'on vous dégage. En fait, il le sait. Elle a juste 30 My ans. My life. Elle a juste Because they don't love us. They're fucking lame. Ils ne nous aiment pas. Oh punaise, leur regard des fois vraiment. Hein. C'est sur les lapins. Les lapins. Je sais même pas si c'est de la BDSM, ça se trouve c'est leur crotte de nez, tu sais. Je sais pas, il a goûté, il avait l'air ok. Ouais, ça a peut-être pas le même goût. Pourquoi leur crotte de nez? Pardon. On dirait moi quand j'ai un peu de fièvre. Il nous faut de la délasse. L'herbe des rois. Spécial fluide. Ouais, tu vois. Non, non. No. C'est trop chelou. Alors, un arbre derrière lequel on se cache pour récupérer les fluides. Non. Oh, mon Dieu. Oh. Tu vas voir qu'ils peuvent plus récupérer leurs leur fluides spéciaux parce qu'il y a le gros monstre, là. Et ils l'ont vraiment habillé comme Luke, c'est pas possible. Ah, tu vois? On est pas très loin. Après, ils s'habillaient tous pareil à l'époque dans l'univers Star Wars, un peu. Quand il est habillé comme ça, c'est parce qu'il est pilote. Ah, ouais, c'est putain, c'est le personnage le plus creepy du truc, là. Content warning. Ikel a des gros pitiés. Du coup, je viens de me souvenir de son existence et j'ai envie d'arrêter maintenant. Ah merde. Oh non, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il est dégueu. Non. Ah non, c'est pas lui. Et c'est adorable. Il va se faire bouffer. Non, à mon avis, c'est parce que ça. Attends. Il est terrifiant par contre, lui, la mace. On dirait le lapin dans Sacré Graal. Non, parce que ce gamin. Adrien, t'as un humain qui fait une tête comme ça, il trouve ça terrifiant. Par contre, un Ewok qui fait exactement la même gueule. Mais oui, c'est adorable les Ewoks. Mais en plus, avec les yeux morts, il trouve ça trop mignon. Il va se faire bouffer la main. Pour lui. Ça lui apprendra. Ah oui, non, effectivement, mais c'est moins mignon. Ah voilà. Ah bah c'est de là qu'il sort le fluide. Il a encore sa main, quoi. Mais il est vraiment con, ce gars. On est bien dans un film pour enfants, quoi. Une bestiole, c'est pas mal en trou, essayer de choper la bestiole. En plus, il avait l'air vraiment bien de le faire, tout ça. N'importe où, Mace. Bon, tout va bien, je pensais pas à lui, en fait. Il a encore sa main, n'empêche. Ouais. Putain, ils lui ont fait un cocktail au rhum, là. Il a des bananes flambées, mais sans bananes, c'est juste du feu. En fait, c'est un grog, quoi. C'est ça, c'est un grog. Une petite sève de l'arbre chelou, là. Avec la langue et tout, c'est horrible. T'ouvres les yeux le matin et t'as cette face en face de toi, là. Oh putain, je fais des cauchemars. Ouais. Et t'as Adrien qui est là, oh, il est si mignon. Pas comme les charpets ou des trucs comme ça. Enfin, plutôt pas les charpets, les shiatsu, je sais pas quoi, là. Tu sais, les petits chiens chinois, là. Il y a des chiens ouais, comme ça, écrasés. Ouais, les shiatsu, ouais, on dirait un peu ça. Ouais, c'est ça. En même temps, faudra lui donner autre chose à manger que du Doliprane. Hein, ouais, c'est clair. Peut-être un peu d'eau aussi. J'ai faim, tiens, un peu de Doliprane. J'ai soif, tiens, du Doliprane. Ah oui, ça se voit. Oh, les dialogues, ils sont incroyables. C'était l'autre main qu'il a mis dedans. Ouais. Ouais, t'imagines. T'es un faux raccord, super. Non, c'est parce que c'est filmé dans un miroir. Ah. Non, c'est parce qu'ils ont coupé la scène où il met l'autre bras aussi. Juste pour vérifier, au cas où. Ah, mais je vous jure que j'ai vu une petite bestiole là-dedans, pas la grosse, là, une plus petite. Alors que tout le monde l'a vu. Tu me fais manger le bras. Mais ils ont des furets aussi. Ah, ils ont des furets maintenant, ouais. Chaque nouvelle scène chez les Ewoks, t'as un nouvel animal terrestre. Par contre, ça, j'ai trop envie de le caresser, trop mignon. Regarde, c'est ce que... Attention. De la chance. La petite, elle a pas peur, hein. Furie. Ah bah, Furie, voilà. Ah oui, oui, en effet, Furie, hein. Oui, oui, des furries, oui, oui. Mais comment ils draguent, hein, furry? Est-ce que t'es une furry? Donc, ils savaient parler. Et du coup, pourquoi ils parlent pas à Leia? Il a oublié. Ils sont super dédaignés. Il a une mémoire de poisson rouge, tu sais. Il répète. Mais pourquoi il lui redit pas des mots qu'il connaît? Ah, ils ont l'air tellement défoncés, putain. C'est le Burning Man, en fait. Elle a la même coupe de cheveux que ma grand-mère, ça fait trop ça. Mais il montre le top là, non ? Mais vous allez voir, à la fin, il va écrire des poèmes en anglais et tout. Oui, bonjour, je m'appelle Wicket. Kuda. J'aurais dit une vache, mais ouais. Elle est conne, elle. C'est un mode de transport. Flau. Bref, revenons-en au vrai sujet. Est-ce que t'es une furry? Petit furry, il est trop mignon. Get a Nike. What the fuck? What the fuck? Oh putain, la gueule. En fait, les parents, ils les ont juste abandonnés, là. Vous avez mistake. They're too much like non, en fait, les parents, ils sont en train de courir pour leur survie avec un truc à leur cul, là. Hein. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Il vient de dire un truc super raciste, hein, quand même, le frère. Ah, j'ai pas ils ont des loups-garous maintenant. Pourquoi ils vivent pas dans des arbres? Ouais, c'est une vraie question que je me suis posée. Bah eux, ça doit être des... parce que les lamas et bah ouais, ça, mais ils ouais. Pas dans les ouais, eux, ils doivent être mais exclus. Mais pourtant, il y a Wicket avec eux, tu vois. Bah, tout le monde va c'est Gizmo. On va lui dans RTJ. C'est vrai que c'est Gizmo. Tiens, j'avais dit qu'il y aurait des poules. Voilà. Oh, punaise. Non, je pense que c'est les parias. C'est pour ça qu'ils ont choisi d'être fermiers. Et les autres Gizmo, ils ont fait « What the fuck ?» Qu'est-ce que vous faites avec toute votre lâcherie? Bien, on s'en va en pleine nuit, c'est absolument safe. Ils ont un petit côté Captain EO, là, tu sais, le truc de Michael Jackson, là. Elle a même pas de chaussures. Mets tes chaussures. Allez, on va à l'école maintenant. Récupérer son gun. Bah ouais, il veut tous les tuer. C'est vraiment un film américain, t'as le gamin de 12 ans, c'est un expert en armes à feu. Ultra raciste et tout. Tu sais que lui, il a fait le Vietnam. Sindel se rend compte qu'elle est mieux protégée avec des petits oursons en plus qu'avec ses darons, quoi. C'est terrible. C'est vrai qu'on n'a pas du tout entendu un loup-garou juste avant, c'est vraiment le moment d'aller dehors. Ils ne pouvaient pas juste attendre le matin et dire bye-bye et puis se casser. Ils sont pas retenus en otage, les gars. À la nuit américaine. Mais non, c'est la nuit sur Andorre. Sur Andorre. Oui. T'inquiète, j'ai fait Koh-Lanta. Ah ouais, d'accord, super. Bah, je sais faire un feu, piou. m'étonne. Can't imagine why. Bah, tes parents ont l'air un peu d'être des branquignoles, c'est pas de ta faute. Ah bah, les chiens font pas des chars. Déjà, ils ont planté la bagnole dans un coin paumé, là. C'est ça, sur une lune, là. Qu'est-ce qu'ils foutaient dans le coin, déjà, de base? Je t'avais dit de sortir à gauche, à l'autoroute, là, à passer Coruscante. Tu sais pas lire mes cartes. Mais non, c'est un raccourci, t'inquiète. Oh, la pose de kéké qu'il a, là. Oh, ouais, ouais. Hey, j'ai envie de le taper, vraiment. C'est vraiment l'effet Marc Hamill, hein. T'as fait deux jours. C'est un bon plan, ça. Tu vas bien pouvoir te nourrir et tout. Oh, le coming out non-binaire du gamin. Quel plot twist. Oh non, c'est devenu un woke king. Un e-woke king. Oh putain. Tu dis c'est ça juste pour un cougar, tout va bien. Oh putain. Ouais, on dirait un dingo qui aurait dégénéré. Putain, c'est les rats chiens là de Willow. Mais genre il a ouais, qui est un peu muté quoi. C'est un stéroïde. Un rato. What the fuck. J'imagine si Leia elle était tombée là-dessus au lieu des Ewoks. Évidemment. Voilà, c'est peut-être censé être un ours, parce que des fois, les ours, ils ont des gueules comme ça. En tout cas, quand ils sont mouillés. Mais c'est le matin. Ça valait bien le coup de la faire partir en pleine nuit. C'est clair. Bah oui. Ah. La stop mo. Écoute, des fois, ils ont moins de budget. Ah! Bon, c'est Tarzan. Ça aurait pu commencer par ça, hein? Ouais, c'est clair. Je fais un compte quand même que pour un! On dirait qu'il a des feuilles. Il arrive à la bourrique. Ah, il fume de la bouche carrément, ok. Ah, pour bouffer la bonne langue. Mais c'est violent, alors. C'est moi après avoir mangé un bon marouane. Leur fléchette, quoi, attends. Ouais, ils avaient juste. Mort instantané, quoi. Ils auraient pu juste se cacher dans les arbres, envoyer une fléchette, puis c'est bon. Au lieu de se battre à main. Corps à corps, là. Oh, il est blessé. T'es si mignon. Alors, c'est quelle marque, cette bestiole-là? Parce que il doit bien avoir un nom sur Wikipédia. Je suis sûr que ça existe, ouais. Ouais. Oh, sûr. C'est juste un ours. Il a mangé nos parents. Alors. C'est pas la conclusion que j'en avais tirée, mais. Incroyable conclusion. C'était leur monture aux parents. Couche. Rouge. Gorax. Ah voilà, c'est le Gorax, l'autre. C'est trop chelou qu'il y ait un narrateur qui pop comme ça en mode « Ah oui, au fait, l'histoire, elle fait aucun sens. Alors venons, on vous la raconte parce que même nous, on comprend pas. Le mec, il est là dans la forêt en train de regarder tout ce qui se passe. Les enfants, c'est le daron, en fait. C'est... depuis le début. En fait, c'était son plan. Il a craché le vaisseau pour faire un docu-fiction, tu sais. Il est là en train de les filmer à distance. Ah, je vais présenter ça au Festival de Cannes. Ça va Kids bien versus bien. The Wild. Oh, on n'en est même pas à la moitié. Ça va être très très long. Tu veux déjà te pendre, bouche. En fait, c'est bien quand les enfants ils parlent pas. J'espère que vous qui êtes chez vous avez de quoi boire, vous avez un plaid, vous êtes bien, voilà, vous êtes bien dans choses, sous vos couvertures parce que nous c'est dur. Adrien dit ça mais il passe le meilleur moment je de kiffe, sa vie. Voilà, je kiffe. C'est son highlight de l'année. Avec tchac tchac. Par contre, je reviens vraiment pas que j'ai attendu autant de temps. Ah, mais voilà, ils vont à l'autre village. Le Grey de Village. Ouais. Ah, ouais, mais vraiment, si Star Wars Story, il regarde le film, il fait une syncope, quoi. Non, parce que ça a été fait quand il était enfant. Ah, oui, c'est vrai, putain. Quelqu'un qui mâche de façon dégueulasse, là. Je crois que c'est Maddy. Je vois un paquet de gâteaux. Ah bah, je croyais que c'était dans le film. Je me suis dit, ils sont en train de toucher comme des bons. C'est des bruits de paquet. Ah, c'est une toupie. On voyait Shaman dans Retour du Jedi, il me semble. C'est la toupie. Oui, oui, c'est l'ogret. J'ai reconnu son nom dans le casting. J'étais trop content. C'est une toupie, c'est grave cool. C'est la toupie divinatoire. Non mais vous êtes sûr il parle de couche-couche comme coucheur et tout, vous êtes sûr que c'est pas juste des juifs avec la toupie et tout? J'y connais pas assez en judaïsme en vrai. Le mec il s'inflige juste des crises d'épilepsie, c'est ça qui voit l'avenir. Regarde ses yeux, ça brille. Hypnotiser la petite. Ah, voilà la télé. Ah bah, quelle vision fantastique. Génial de montrer ça au gamin. C'est la meilleure des idées qu'ils ont eues, quoi. Ah, regarde, ton père, il est empalé, ta mère, elle chiale. Et on partira à la rescousse. Je suis désolé, mais là, vraiment, la vision incroyable que les gosses ont eue, quoi. Et en fait, là, c'est dans le jardin des Ewoks qui sont empalés dans le jardin près du petit feu. C'est moi ou ils louchent? Ouais. Un peu. Ils louchent tous un peu. Ils ont tous un strabisme. Mais... ouais, ouais. Oh, dis une puce. Un vrai enfant de son âge, il serait trop heureux de pas avoir ses parents. Je vais pouvoir manger tous les bonbons que je veux, j'en ai rien à foutre. Ce qui est trop... Du coup, c'est le petit qui a pas le droit de glider qui va les emmener. Logique. Jeez. Ce qui est trop drôle, c'est qu'ils avaient dit Gorax avant d'aller voir le chaman. Oui, oui, oui. Le foreshadowing. N'apprécie pas la créature de qualité. C'est pour voir si tu suis, tu sais. Lui, il bouge ses dents quand il parle. Il dit « We help you ». Avec son vieux couteau, là, qui plante rien du tout. T'es rigolo à Gorax. Ils ont même une carte, quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais quand il parlait, il bougeait sa langue et sa langue poussait ses dents. Donc ça faisait bouger ses dents. Mais c'est ses anglais. Ils les perdent à 75 ans. Ils ont 27 sets de d'anglais. On dirait un peu un koala, celui-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi cons. The Wicked. Oh, il est moche. Mais non, il est mignon, c'est un bébé. Comment il s'appelle, d'ailleurs? C'est le seul bébé dans Star Wars. Bah, sobbing. Non, mais c'est Gizmo. Hein. Ah non, Chaudou. Chaudou. Je crois que c'est-à-dire ça va, Chaudou. Il pleure aussi, Chaudou. Ou alors c'est le nom de la maman. Je crois que c'est le nom de la maman. Allez, viens faire un gâté. Faisons voir un troisième. Hacha, hacha. Non, les couleurs sont assez jolies. Hein. Le bébé, il s'appelle Winda. Ouais, ouais, il est plutôt... C'est une fille. Ça, on dirait la même forêt que Leia ou Esper. Winda, tu dis, ah, trop bien. Oh, ils l'ont appelé après le gamin qui avait menacé de tous les buter, là, c'est normal. Oui, tu te souviens du gamin, là, Windu, ouais, on va renommer notre fille après lui. Non, mais c'est Mace, je suis con. Ouais, j'avais pas compris. Ah, ils ont pas que des poneys, ils ont aussi des trucs plus gros, quoi. Des chevaux? Je pense que c'est toujours des poneys, hein. Pas des doubles poneys, je sais pas comment on appelle ça. Des doubles poneys. C'est des grands poneys. Enfin, ils ont pas que des Shetland, quoi. Oui, effectivement. Le mec, il est vraiment dans son arbre en train de regarder les scènes. Vraiment, le narrateur, c'est vraiment un aveu d'échec, quoi. C'est la cerise sur le gâteau. C'est horrible parce que tu vois, tu sais quoi, l'histoire des Ewoks, là, qui font un petit groupe pour aller vaincre la grosse créature qui les terrifie, c'est une meilleure histoire que ce qu'ils ont en train de raconter. Mais oui, là, oui, vraiment, en plus. Avec les humains et tout, ils auraient pu faire juste un truc avec des Ewoks. Ça aurait été vraiment bien s'ils avaient été à fond dans le concept de documentaire, en fait. Ouais. Oui, aussi. De lui faire une espèce de mélange des deux. Genre, ça fait aucun sens que ce soit un documentaire, que les mecs, ils laissent le gamin à moitié crevé de fièvre, tu vois, genre. Mais c'est pas un documentaire. Bah oui, mais le fait qu'il y ait un narrateur. Oui. Et ça, c'est juste parce qu'ils savent pas écrire. Ah, tchac, tchac, tchac. Ah, ouh, tchac, tchac, tchac. Tu vas voir qu'il va tuer la créature avec ce caillou. Et prend la pierre et fait pas chier. Ah non, il voulait le truc sympa, quoi. C'est le Goldwyn, en fait. Ah, c'est le narrateur qui lui répond. Ouais. C'est terrible. Mais ferme ta gueule. Mais je trouve ça incroyable, le narrateur. Ils sont pas dit que c'est une idée de merde, quoi. Est-ce que le narrateur, c'est un personnage à l'intérieur de l'histoire ou pas? Ouais, ouais, pas en fait, c'est vraiment un documentaire. Bah, c'est ça, mais ça marche pas avec le fait qu'il y ait deux humains en danger, quoi. Parce que nous, on a regardé un documentaire sur les ours, bah, il y avait que des ours. S'il y avait eu des enfants en danger au milieu des ours, ils auraient pas fait « Oh, genre, ça fait Mowgli, viens, on suit ça et on le diffuse. » Ça n'a aucun sens. Non, ou alors le narrateur c'est genre Mace mais genre vieux tu sais. Ouais et puis dans les années 80 ça se faisait beaucoup les narrateurs. Peut-être mais comment il aurait filmé ça. Il n'a pas filmé. Il n'a pas filmé. Il raconte crédit aux gens qui ont écrit. Il raconte juste l'histoire. Non je... ouais oui je suppose ouais. C'est méta. C'est l'état. C'est méta. J'allais dire Macron explosion. En fait, le narrateur, c'est un Ewok. Il parle parfaitement c'est bien basé. C'est une quête adulte qui parle parfaitement humain. Oh putain, en VF, c'est Dorothée qui fait le narrateur. On a filmé. En VF, c'est Dorothée qui fait le narrateur. Incroyable. On a filmé tout ça parce que c'était quand même une grosse aventure pour nous, les Ewoks. On n'avait jamais vu des Ewoks sans poils, alors... Et du coup, en VO, c'est Burly Vess qui a fait un paquet de trucs. Hein, ah. Qui faisait de la musique aussi, surtout. Oh, d'accord. Tu vois, lui, il pousse ses dents avec ça. Lui, il pousse ses dents, ouais. Moi, je suis un grand. Je suis pas un bébé. J'ai 12 ans. Il est insupportable. Bah, c'est un mec à cet âge-là. C'est un ado. Non mais j'en ai connu des ados. Hein. J'en ai vécu avec pendant des années. Moi aussi. Ils étaient pas aussi casse-pieds. Même que moi j'ai été un ado une fois. Hein. Non mais ses parents doivent être cons comme des manches. Ouais je pense que c'est ça. Ouais. Il est pas bien. Ça Sindel faut qu'elle reste sur Endor. Hein. Vraiment. Ah, c'est ça, faut qu'elle se fasse adopter, elle a encore une chance. Parce qu'il a quoi, il a 13 ans, 13, 12, 13 ans. Ouais. Il gagne un ouais, c'est l'âge con. On dirait 14, 15. On dirait qu'il a 27 ans. Par contre, désolé, mais la petite cabane sur le cheval, je trouve ça absolument incroyable. Voilà. Ouais, mais le pauvre, ça doit être mais lourd, non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment des... Il n'y a pas vraiment, genre... Bah, il y a oui, une qui est une gamine non, dedans. Je veux dire, à mon avis, c'est juste pour les plans où il rentrait dedans. Bah, vu comment il avance le cheval, je me demande que si c'est pas vraiment lourd, hein. Il a l'air de galérer. Tu penses... Ah, c'est horrible, du coup. Bah, ouais, regarde les pas. Il est censé avoir 14 ans. 14 ans? Ah, j'avoue, oh, pauvre bête. Un adolescent de 14 ans décrit avec un fort caractère. Ah oui, ben oui. C'est un peu un euphémisme, mais ouais. Il veut encore foutre sa main ou faut pas. Oh, putain, ils vont se déplacer, les mais arbres. À 14 ans, on fait tout ça. Non, pour le coup, ça fait vraiment Star Wars, comme au bout de fois. Ah. Oh, merde, on peut pas retourner en arrière. On est dans un jeu vidéo. Mais le cheval est mort. Il est écrasé, lui. Attends, mais non. C'est lui qui a pété l'arbre? C'est petit Jean. C'est le meilleur Ewok du film. Je vous préviens. Il s'en bat les couilles. C'est le meilleur Ewok. Il est incroyable. On a encore trouvé quelqu'un insupportable comme le gamin, là. Il fait vachement grand par rapport aux autres. Bim. Ok, c'est le nain. C'est l'archétype du nain. Un peu, ouais. Avec. Sauf que c'est le plus grand des Ewoks, mais à part ça, ouais. Bah oui, c'est ça qui est rigolo. C'est le barbare. Mais il a une hache, il est bourru. Tu sais, c'est petit Jean. Ouais, voilà. Ouais. Les gens, d'un coup, ils se comprennent bien. Ouais. Ah, oh, c'est concours de quéquettes, quoi. Avec quoi il a fait cette hache? Une pièce de Lego. Ouais, je pense. Ouais, un circuit imprimé. Elle dégage. Je vais le couper ça à 102, j'espère. Ah. Ah ouais, il est vraiment trop fort. C'est vraiment le gamin toxique qui respecte que la... C'est incroyable. Ouais, c'est clair. J'ai jamais vu ça avant. T'avais vu des Ewoks avant? Enfin, je veux dire, à peu près tout ce que tu vois là, t'avais jamais vu avant. Chukatrok. juste petit point sur le... timer, on est à 49 minutes et 45 secondes. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se resynchroniser, vous pouvez. Non plus maintenant, du coup. Oui, bah oui, mais je veux dire quand je l'ai dit pile, quoi. Et maintenant, c'est combien? Et maintenant, c'est 51, 52, 53, 54. Je peux continuer, hein, quand tu peux continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ah non, mais tu sais, il est encore là, le cheval, hein. Non, ouais, mais c'est marrant, ils les ont plus montrés après que l'arbre soit tombé, mais... Ah ouais, ils étaient plus là, les autres, ils étaient plus dans le cheval. Je trouve que c'est d'autres chevaux qui sont... Désolé, je vous ai buté les vôtres. Vous avez besoin de faire pipi. C'est ce que je veux dire. Il a pas entendu le narrateur ou quoi? Il a pas écouté le narrateur. Ouais. Ouais. C'est la communauté de l'anneau, en fait. Ouais, ce que je disais au début, tu vois, c'est marrant, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'étais sûr que c'était un truc comme ça. Salut, là. Gandalf. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a des gros nénés? Oh non. Oh non. Au secours. Il est kinky. Ah, c'est une princesse, ok. Je pensais que c'était une sorcière ou un truc comme ça. Ils vont devoir résoudre une énigme. C'est l'histoire des doigts, What là, non? What is your name? What is your quest? Dans quel doigt se trouve le... What is your favorite color? A shrubbery! Quel doigt a le pouvoir de changer le futur? C'est littéralement Willow, en fait. Oula. C'est plus balèze que la force, le truc. What the fuck? Ouais. Et c'est la force. Ouais, c'est toi qui as eu peur d'un lizard. Hein. Mais c'est à chaque fois qu'il... Genre... Sale con. C'est littéralement la même scène. Mais à oui, chaque hein. fois. Il est insupportable. Et elle arrache la tête du truc et elle le mange. Putain, elle l'a transformé en souris. I can see that you're a fucking rat. Non, parce qu'on sait pas du tout ce que c'était le test, qu'est-ce que ça représente. Il était censé réussir à le transformer en autre chose, je suppose. C'est... Ta gueule, c'est magique. Ouais, ouais, c'est ça, tout. En vrai, c'est sympa que la petite, elle serve pas à rien. Ah, c'est mignon, ça. C'est mignon. Ouais. Ouais, elle se fait pas ouais, enlever. Elle participe et tout. Et sauver toutes les 5 minutes. Elle est pas genre, elle est vraiment active dans l'histoire, quoi. Alors qu'elle est vraiment petite. Ouais, elle doit avoir quoi, 5-6 ans? Ika, tu dois nous dire. Mais l'âge de Sindel? Ça y est, il avait gaspillé sa pierre, lui. Ouais. Il a acheté son caillou. Il est con ou quoi? Récupère ton caillou, merde. Bah, il va réveiller un kraken. Putain, un pipin. il va voir Gollum dans le... Elle a 8 ans. Ah ouais, c'est encore... Elle a 8 ans, Sindel. Holy shit, elle est censée avoir 8 ans dans le temps. Elle a 5 ans, c'est pas possible. D'accord. Ouais, mais non, non, non. Non, non, la petite, elle doit avoir 4-5 ans. Hein. Non, moi, ça me choque pas tellement. Pas Mais Adrien, est-ce que tu vis avec des enfants tous les jours? Non, mais oui, mais j'ai vécu avec plein d'enfants dans ma vie, Wishkoff, mais... Non, non, en vrai, elle est juste petite pour son âge, mais... Ah non, elle parle vraiment comme un bébé. Notre fils, il a 9 ans, elle a pas 8 ans. C'est impossible. Ouais. Elle fait plus bébé que pas. Notre fils qui a 6 ans. Donc, je pense que l'actrice doit avoir 5-6 ans, mais qui sont dit que le personnage avait 8 ans. Pourquoi est-ce qu'ils découvrent leur planète ils vont pas forcément dans ce coin-là. Oui, personne n'en est jamais revenu. Bah oui, genre toi, tu connais toute la planète Terre. Bah oui. Bah ils ont jamais vu les documentaires. Adrien, il allait faire du fauteuil roulant sur les lacs gelés de Russie et absolument, tout, attention. Absolument. Du drift. À faire du drifting, c'est ça. Du wheeling. Absolument. L'actrice, en vrai, elle est née en 79, ça veut dire qu'elle avait 4-5 ans. C'est ce que je disais. Donc t'imagines, elle a 43 ans maintenant, quoi. C'est vraiment trop bizarre, mais je suis presque sûr que lui aussi, hein, il est plus jeune que le personnage. Ouais, mais tu vois, il faisait entre 12 et 14, je l'ai quand même. Mais... ouais, mais 14, ça me paraît un peu grand. Ah, moi j'aurais dit plus vieux que ça, mais... Ah ouais. À l'époque, il faisait vieux, les jeunes. c'est la coupe de cheveux. Lui, il est né en 70, donc ça veut dire qu'il avait 14 ans pile poil. Ouais, 7 ans plus. Ans. Ouais. Peut-être 13, parce que le tournage était avant. Non, non, il faisait 14. Franck, il est vraiment fort en apnée, par contre, le gosse, parce que... Ouais, tu m'étonnes, moi je fais Bordeaux, quoi. Il a sous la flotte, quoi. Il a quand même pas récupéré son caillou, cet imbécile. Je sais pas si vous avez ça des fois, mais de maintenir la respiration quand les gens dans les films ou les jeux ils sont sous l'eau. Ouais. Heureusement que j'avais pas fait ça là. En vrai, ça va, je crois. Non, je pas moi. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas du CGI vraiment. Ah, super, oui. Ouais, c'est le même truc. Pourquoi elle fait un bout de chèvre? C'est vraiment péripétie péripétie, quoi. Alors, comment il a fait avec la taille de ses jambes pour sauter sur cheval? Bah, il a une bonne détente, c'est tout. Et l'autre, il court à pied à côté. Et un trampoline. Oh, super, toutes leurs ressources. Ils ont perdu leur feuille à grignoter, là. Je crois qu'on n'aura pas assez de lame basse pour le... Voilà, <c'est trop long. rire> L'autre, il court plus à côté, maintenant. Il va se mettre à côté. Là, il va galoper avec ce truc sur le dos. Il va couper la tête des trucs avec sa grosse hache. Juste la alors si avec ça elle vomit pas après, je sais pas ce le narrateur il est dans le truc avec la gamine en train de filmer. Oh, bien si elle est malade elle prendra du Doliprane et puis c'est tout. C'est ça. Oh. Arrête toi con du cheval. Je peux faire mettre tour tout de suite hein. Oh merde, ils ont perdu les poneys. Bah heureusement qu'il était là, parce que c'est pas le frère qui aurait fait quoi que ce soit. La musique qui en fait trop tout le temps. Là, ça fait vraiment petite maison dans la prairie, hein, pour le coup. Elle a 200% la musique, c'est clair. Le narrateur, il a joué dans la petite maison dans la prairie, d'ailleurs. Pousser les potards. Ah, si tu expliques cela. Du coup, avec ce film, ça confirme quand même que les gens qui se plaignent que dans Star Wars, il n'y a que des planètes monobiomes, ils ont tort, quoi. Bah non, ouais, c'est clair. C'est vrai, ouais. Non, c'est le film c'était qui a peut-être tort. Pas le concept à l'époque, n'empêche. C'est les planètes monobiomes, en fait, c'est arrivé... ça s'est formalisé à quel moment? Aucune idée, mais en même temps, du coup, elle porte très mal le nom de lune forestière, mais bon. Oui, c'est clair. Du coup, ouais, au lieu d'inventer une nouvelle planète pour mettre l'étoile de la mort, là, ils auraient pu vraiment la mettre sur Andorre. Dans l'épisode 9. Bah oui, totalement, oui. Que ça marche vraiment avec ça. Tu crois qu'ils ont des puces ? Oui. Ah oh, bah sûrement, oui. Des puces, des morpions, de des poux, ils ont tout. Est-ce que ça sent bon, un niveau qu'on avait dit quoi de... On avait dit quoi déjà à propos de Wicked ? Ça peut pas sentir bon parce qu'on les voit jamais faire leur toilette comme un chat, tu vois. T'imagines ? Putain, c'est... Ah, fais clochette maintenant, ça y est. Putain. Il va encore se faire embarquer dans la gueule d'un monstre. Ok, bah je vais la suivre. C'est comme la lente, soeur, c'est putain, comme les quatre trous du cul. Comme les poissons, là, qui feront de la lumière. Le poisson en terre, ouais. Et lui, c'est le poisson plus con de la terre, alors forcément, il va... Par contre, à chaque nuit, il faut qu'il se casse, quoi. Le mec, il dort jamais, c'est pour ça qu'il est tout le mais temps... Mais c'est incroyable, hein. C'est pour ça qu'il va pas bien, ouais. Le pauvre gars, il est juste insomnie. Il passe toute sa nuit sur Fortnite, et après, il est pas content, là. C'est pas trop mal fait, n'empêche. Ouais, non, c'est pas moche. Hein. Les chevaux sont super bien faits. J'ai jamais vu quelqu'un galérer autant à quatre pattes. Mais pourquoi il se lève pas et il sait clairement pas marcher. Putain, ton frère est encore en train de foutre la merde. On dirait les lucioles dans l'Atlantide. C'est mieux cette rêve que le tombeau des lucioles, mais... Oui, c'est... Ouais... Ceci dit, ces lucioles vont. C'est les brownies dans. C'est les brownies dans Willow. Il en a rien à foutre, il retourne se coucher. Merde, hein. C'est bon là. Mais pourquoi t'emmènes ça? Ils font déjà de la lumière. Elle est bête cette fille. La pauvre. Petit bébé là. C'est si petite. Non, il choupit. Oui, 5 ans, petite choupette. J'aime bien être méchant avec les trucs qui sont choupis. C'est pour ça qu'Adrien, il s'en prend plein la tronche. Je plaisante. Fous le feu, Whiskies. Crame les Whiskies. Ah bah oui, poser une bougie dans de la paille, bonne idée. Ils vont tous prendre feu et foutre le feu aux tentes et tout. Catastrophe. Ils vont faire un message dans le noir, tu sais. Attends, lui, il est en bas de trip. Ils sont en train de créer un vortex. What the fuck? What? C'est comme ça qu'ils font leurs bougies qui s'éteignent jamais. Ils absorbent les Whisties. En fait, ils ont aucune idée de ce qui se passe. Oh la vache, vous avez vu la gueule que ça? Mais c'est terrifiant, cette merde. Oh bah, tiens, ça t'a mis du temps à comprendre que c'était vivant. Il est chelou. On dirait un clown, le machin. Mais c'est Harley Quinn. Oh. Mais je t'emmerde. Ah bon, bon, je suis pas au courant. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh. Tu peux pas être mon ami si tu sacrifies là, pas la moitié de ta famille. Et il l'écrase. Allons au dodo maintenant. Peut-être qu'elle a perdu sa famille, bah je sais pas, fous-la près de la bougie alors, c'est là où ils sont tous partis. Non, ils ont tous brûlé. Sa famille, tu sais, littéralement tous les trucs qui sont allés dans la bougie une seconde avant. Bah c'est vrai, ils bouffent quoi depuis tout ce temps? Ouais, ils ont fait tomber toutes leurs pommes, tu m'étonnes. Putain, ils ressemblent trop au mec qui joue Krychek dans The X-Files, ça me perturbe. Gunda. Gunda, ça devient bouffe, a priori. C'est des ongles de pied. Miam, miam, miam. C'est vrai que... Oh, elle est trop mignonne. Elle est en donne, elle est adorable, petite mère. Oh, c'est trop mignon, voilà. C'est le genre de moment que j'adore, moi. Sans. J'ai des barres aux yeux, mais sans. Pire que les moustiques. Ouais. Il a essayé d'éclater là. Ouais. Il a essayé de l'attraper. Oh. Vous avez vu le visage qu'elle a, le truc? Oui, ça fait assez flippé. Hein. Les deux yeux noirs, là, gigantesques et mini-bouche. Il se trouve, elle est en train de faire un rituel pour les tuer, ça. Ça chatouille. Oui, ils ont l'impression que c'est du jeu, mais en fait, elle est en train de se battre pour sa vie, là. Ouais, c'est ça. C'est trop drôle. Putain, c'est un Pokémon spectre. Elle bouffe le rire des enfants. Ah, t'imagines, le film et le narrateur, c'est le Pokédex. Gorax, le géant des montagnes. Plus ils avancent, moins ça a à voir avec une forêt. Hein. Ouais, il sera mais c'est à cause de Gorax, hein, il a desséché la forêt. En fait, c'est un gros soifard. C'était une vallée pleine d'eau, là. Oh, c'est joli, quand même. Ah, sympathique. Merde. C'est joli, mais... C'est lacs d'Asie, c'est trop bien. C'est juste des de Gorax, moi. C'est juste la planète France. Qu'est-ce que je raconte? Ils ont été filmés dans le désert de la mort, ça se trouve. Comment ça doit chmouter dans leur cabane? Ouais. Ah, faut ouvrir les fenêtres, hein. Ça pue! Non. Je reste à l'intérieur. Mais non, elle est sortie, regarde. Ils doivent avoir tellement chaud de ouf là-dedans. Il faut attendre la dernière lune de Durin. Parlez, amis, et entrez. Furries, furries. T'as raison. Oh, où ils vont escalader. La petite, elle est habillée comme si elle allait faire un club de fitness, là, tu sais, avec la musique. C'est ça. Il y avait littéralement des escaliers et des fenêtres, mon gars. Ouvre tes yeux. T'as pas vu les fenêtres, espèce d'abruti ? Les fenêtres, les trous dans la roche. Il est con, ce gosse. Mais je l'ai lancé dans le lac parce que je suis con. Il c'est vrai. Voilà. Qui l'avait voilà. lancé dans le lac. Je croyais que c'était une autre pierre, mais non. Ouais, Lourdeau, il a raison. Oh punaise. Il est con comme un. Ils sont entourés de rochers, ils ont qu'à prendre n'importe quoi. Je vais te bouffer parce que t'es trop con. Voilà. Oh, Wicket, quelle goutte. Ouais, clairement. Mais t'es con, alors. Non, parce que sinon. Il a été cherché dans, il a été cherché dans le lac. Ouais, ouais, je crois. Si t'avais perdu ta pierre, on t'aurait bouffé, alors je voulais éviter ça. En fait, c'est l'objet magique le plus puissant de la planète. C'est un téléphone. Ah, c'est un Kinder Surprise. Ah, bah voilà. Oh, une clé USB. Un bug plug. Il faut qu'il fasse une flèche. Pour pouvoir. tuer. Gorath. C'est rare. Je fais une boussole. Ouais. Il se concentre. Ah ouais, donc c'est cher. C'est une boussole à tête chercheuse. Et là, ça explose. Elle va utiliser son bâton et le transformer. Hein. What the fuck? America! Ouais, ok, d'accord, vas-y. C'est vachement discret. Hein. C'était censé être pouvoir résolu par, par des trucs d'Iwo qu'ils auraient fait comment Genre, je pense qu'avec son en bâton, fait, il pouvait juste le pousser. Ouais, c'était du polystyrène. C'était un fake. Ils ont quand même filé un gun comme ça à leur gamin de 14 ans. Ouais, ouais, c'est ce que je disais, c'est vraiment des Américains. Vise pas ta sœur, Mace ça... Tu vas encore la dissoudre, là, là. C'est la troisième sœur, cette Elle coûte cher, hein. On peut pas retourner au marché comme ça, hein. C'est pour ça qu'elle est mieux que tout le reste de sa famille. Elle n'est pas de la même famille. Elle a dû apprendre à survivre avec eux. N'empêche, ça doit être chiant pour un géant de vivre dans des trucs serrés, quoi. T'sais. J'étais sûr que ce serait comme ça à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui lui a designé ça, c'est con. Quand même ultra chelou qu'ils aient pris une gamine de 4-5 ans pour jouer quelqu'un de 8, franchement. Ouais, c'est bizarre. Oui, c'est vrai que c'est curieux. Elle s'est pas assez jeune. Première chose intelligente qui personne peut t'aider. Mais son daron à Wicket, il est dans Return of the Jedi ou pas? Bah non, il est mort. Je crois pas. Il va mourir là. Bah sûrement, ouais, du coup. Ou dans le deuxième film. C'est pas Ika qui disait que tous les parents allaient mourir, là. Il est vraiment à fond, Warwick Davis, c'est génial. Les petits Ewoks, là, ils méritaient quand même. un meilleur budget. Oui. Pas le reste, mais pas des humains. Ils auraient dû faire un film juste sur les Ewoks, pas des putains d'humains. Ils méritent vraiment d'avoir un truc sur les Ewoks. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Surtout le choix des personnages. Non, pas ce moment. Oh, ça sent les tarentules. Ah, je crois qu'il oui. Sent la gueule de la toile d'araignée quand même. Bah, il va y avoir une grosse araignée. Là. Ouais, il secoue là bien. D'accord. On voit bien le message à l'autre bout. Des fois que l'araignée est pas pigée que t'étais là. Oula. Ah bah voilà. Oui. J'aurais pu mettre le cri où il aime. Il a pas d'araignée dans son monde parce que bon. On va se revoir l'araignée sur la tête. Regarde pas en bas. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, ça sent tellement le truc mal fait. Oh, bah. On voit les câbles. Hein. Oui, on voit les câbles transparents, les câbles, putain. Au niveau de la tête. Ferme et relance. Nice. Flamme doudoune. You shall not pass. Yeah, you shall not eat my friend. C'est ça. Il va la rendre gentille. La magie est verte. Exactement comme la magie des sorcières dans de Willow. Datomir. Ah oui. Oui. C'est vrai. Et j'aime bien. Mais comme et c'est un dans Willow. Très bon truc à retenir pour regarder le deuxième film d'ailleurs. Oh. Boing. Tu m'entends. Les bâtards, ils l'ont rendu gentil et après il l'a tué. Heureusement que ça tenait à un seul fil, hein, parce ça va être pratique pour retraverser. Ah bah c'est clair. Ouais, c'est clair comment ils vont faire ces blaireaux. Trop bien, les gars. On va mourir ici, yay. Ah bah voilà, là c'est à la taille de l'autre. Ouais, ça va. Oui, là ça va. Les flammes se réveillent. Mais ça veut dire que quand il vient, le mec il doit passer au-dessus d'un précipice avec une araignée géante, il doit... Attends, ça doit être ultra casse-pied. Ouais, il a une autre sortie. Oh, c'est un fossé pour lui. Hein. Lui, c'est pas un précipice, c'est juste une petite enjambée. Ouais, c'est vrai. Ah bah voilà. Ah, elles sont vraiment dégueulasses. Ouais. Elles sont dégueulasses, on est d'accord. Un peu sexy. Ok, tu veux se la mettre, là. Mais tu vois. Il veut se battre, là. C'est d'art. Vous l'avez déjà vu. C'est d'art. Oh punaise, il le tue vraiment. Allez, comme ça. Allez, comment il chasse l'araignée, là. Il a aucun chien, Wicked. Wicked, c'est Sam Gamgee. Ouais, un peu, hein. Ouais, c'est vrai. Deux fois, il le fait. Les petits coups dans la tête, là. Mais il y a plein de trucs comme ça dans le jeu de Warwick Davis, dans les Star Wars, où il en fait des caisses, mais tu sens juste que c'est lui qui s'amuse, en fait. Et ça, je suis prêt à parier que c'était même pas du tout sur le scénario. C'est juste lui qui déconne. Il a décidé. Et ouais, Mace, c'est Pipin, mais si Pipin était arrogant en plus. Quoi. Mais bon, on parlait de Wicked qui est Sam. Mais ton truc a plus de jus. Il est con celui-là. pour aller lancer. Il insiste à fond avec. C'est pour se donner du courage. Ah, je connais, c'est God of War Ragnarok. Spoilers, Mathé. Ça fait un peu... C'est quoi, c'est Jacques et le haricot magique, ouais. Hein, le truc avec le géant. Ouais, ouais, ça fait ça. Oh. Celui qui a un nom de médicament. Est-ce qu'il a un chaudron magique, du coup, ou pas? Il mange juste des os. Des os géants, du coup, il mange sa propre espèce. C'est pour le calcium. Il va le casser en deux, quoi. Et il a même des tétons. Quelqu'un a fait les doigts d'araignée, là. Il avait des tétons, ouais, c'est vrai. Ah, mais il est pas mort, le daron. Oh là là. Bah non, c'est le narrateur. Hein. Mais non, c'est pas vrai, mais... Il est sexy, un peu, Gorax. Son cul, là, ouais. Il est déçu parce qu'ils sont trop petits à bouffer, ce truc-là. Et putain, il a bouffé là-dessus, là. Qu'est-ce que j'ai pris? Et son regard c'est intelligent pour l'apéro. Ah. Et pourquoi il a fait ça? Tu as l'air d'avoir de bons shampoings là où il est. Ouais, ouais. Ouais, il est soyeux. Ouais, ouais. Il a grave des beaux cheveux et des beaux poils. Mais ouais, t'as vu. En plus, il bouge ça. On ralentit et tout, ça fait vraiment L'Oréal, quoi. Je le vois vraiment bien. Il a peut-être dû essayer de lui parler. J'ai l'impression que sa taille est différente sur chaque plan. Heureusement qu'il est pas très fut-fut. Mais il a pas de fut. Par contre, on voit bien son téton, c'est assez bizarre. Oh, écoutez, moi je le dis, je le bouffe. Voilà. Qu'il soit. Qu'il soit. Smash en passe. Sauf que c'est lui qui te smash, mais bon. Ouais, c'est ça. Il a des oreilles de Gremlins. Là, il regarde la main à moitié morte de sa mère ou de son père là-haut, là, et il a l'air content. Ouais. On va pouvoir les bouffer. J'ai compris, I'm gay. I'm gay. C'est ça qu'il a dit. I'm gay, ma toutie. j'ai vu après le sous-titre. Mais là, ils sont tombés aussi. I'm gay. Ok, c'est pas le moment. Là, il est pas du tout. C'est le personnage gay de Disney. Ils vont devoir sauter tous sur le truc là pour le l'envoyer parce que la bascule. Il va falloir du poids là. Il n'y a pas assez de. Quand je te dis que les parents sont nuls à chier, t'as vu l'espace qu'il y a entre chaque baron? Ils peuvent passer en entier. Genre ils pourraient passer, essayer d'escalader oui, ou défaire clair, certains ouais. des mais tissus tellement. Qu'ils ont là pour faire une corde, je sais pas. Les mecs, ils sont trop contents de voir leur fils. Genre, moi, je serais terrifié. Genre, putain, casse-toi, il y a un géant. Non, parce qu'ils savent qu'il a un flingue. Ah ouais. Super, et maintenant, comment toi, tu descends? Maintenant, ils sont trois dans la cage. Mais il va rentrer dedans, en plus, non? Mais bien sûr. Mais regarde, c'est cool, c'est tellement con. Mais ils ont une corde là-haut, en plus. Et en plus, il y a une corde en plus! C'est lui qui l'a ramené, la corde? Ou... On va dire que oui, parce que sinon. Ah, bonne question. Mais pourquoi ils montent tous? Bah, on va dire, oui, je vous ai dit que les parents étaient des gros. Comme un item coups, de jeu vidéo et il était dans son. Mais pourquoi ils montent tous? On pouvait pas le voir. Ouais, bonne question. Be careful, il vient de sauter là sur une hache. Parce que descendre à la corde, c'est pas le plus compliqué dans l'histoire. Hein. Ah, mais ils sont montés pour pouvoir tenir la corde, en fait, je pense. Oui, oui, non, mais elle lui dit, fais attention en descendant la corde. Je pense que sauter depuis, en se faisant catapulter d'une hache, c'était quand même un peu plus risqué. Mais ouais. La mère, elle me dit trop un truc. Ouais, c'est un truc de maman, ça aussi. Ah, fais attention! Incroyable. Ah ouais, c'est Mass Effect. Non, attends, c'est quoi? C'est Metal Gear Solid? C'est ça. C'est ça, c'est Metal Gear. Littéralement. Ah, la meilleure scène du ouais, film. Ouais, je suis assez d'accord. Heureusement qu'il est con quand on mange à balai, quand même, le grand méchant Gorax. Mais il est plus là. Il va l'écraser, il est plus là-dedans. Évidemment. Voilà. Ah, la mère, elle était dans les autres. Ah, encore le téton. T'es une des fantômes, là? On va faire un téton count. Je crois que si on le poste sur Instagram, on se fera flasher. Ah, ben non, parce que c'est censé être un mâle, donc ça passe. Ah, ouais. Quoique, là, on sait pas trop, hein. C'est vrai, ils ont rien dit, mais... Bah, dis donc, c'est quoi, ça? Bah, selon les standards d'Instagram, ce sera considéré comme un mâle, et donc son téton, ça passe. C'est, je dis pas que c'est un mâle parce qu'il a une barbe, je dis que, selon la logique Instagram... Mais pourquoi ils sont tous montés? Mais ils sont trop cons, les Ewoks, c'est terrible. Et pourtant, je les adore, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Ouais, bah oui. Heureusement qu'il marche au ralenti. Hein. Ouais, heureusement qu'il est con aussi. Le mec, quand il est en colère, il se couche juste les bras. Oh, oh, il veut se battre. Bien sûr qu'il veut se battre. Il a planté le pied, bim. Lui est venu pour la bagarre, lui. Ah bah oui, c'est lui, oui. Évidemment, il est là pour ça. Hein. Oui. Ah bah voilà. Comment qu'on fait maintenant? C'est vraiment les parents de l'année. Ah hein. Oui, c'est vrai, merde, j'avais oublié. Il est mon fils. Ouais, elle était dans Lost aussi, la mère de... La maman. Ah bon, elle jouait qui dans Lost? Elle a un nom, Ezerina. Elle s'appelle Eloise Hawking dans Lost. Je me rappelle plus c'est qui. Je crois que c'était ta série. Ah, ils avaient donné un nom à la fée clochette, quoi. Trop bien. Elle est en train de lui voler son sourire, là, hein? Brutti. Elle va se détruire le mur sur lui-même. Ah bah. Bah non, pas sur lui-même. Oh no! Bah c'est super, on vient de voir une lapidation. You were my fa- t'étais moi, ma figure paternelle. Toi t'es fort et viril, mon père c'est qu'un petit mec tout maigre là. Tiens, je vous fous d'un coup de hache dans la gueule. Garde ma hache. Ma hache. C'était sûr en fait, mais c'était sûr. J'avais dit qu'il y aurait un des Ewoks qui mourrait. Je pensais que ce serait alors, le père, mais non. En vrai, s'il avait survécu, dans ROTJ, l'Empire, il se serait dit, oula, on se casse parce que ils sont trop forts. Il vient de 1v1, un truc qui fait 15 fois sa taille. Ouais, c'est clair. L'Empereur, il aurait tout cherché en radeau. Il a pas gagné, ceci dit. Hein, Il a pas perdu non plus. Ouais, mais il s'est il quand même... Il va se casser la gueule dans les escaliers, quoi. Il va se casser la gueule dans le trou, ça va leur faire un pont. C'est ça. Ils vont lui faire un croche-pied. Il va tomber dans le trou. Qu'ils ont eu toutes leurs techniques pour la bataille. Tu vois? Ils vont vraiment faire voilà. Ah bah ouais, incroyable. Ah, c'est un piège à la Ewok, quoi. Ouais, vraiment. C'est vraiment Goonies, la fin du film, quoi. Mmh. Je sais pas si c'est plus méchant pour les Goonies ou pour ce film. Non, merci. C'est après les Goonies, c'est pas genre fin 80? Non, je crois que c'est 80... Ou... Je crois que c'est... 6, 87, non? Ah, bonne question. J'aurais dit 84, 85, mais t'as peut-être raison. Ah merde, il est pas tombé. Ah, presque. Presque. C'était quelle année? 85, les Goonies. Ah, j'ai pas regardé, je disais presque pour le... Regardez, encore un plan 85. Ah bah ouais, tu vois, non, c'était juste après. What the fuck? Ouais, ils vont l'empaler, quoi. Ah, ils vont l'empaler, quoi. Le mec, il est juste chez lui, en train de chiller, tu sais, il a rien fait. What the fuck? Ah, il a quand même capturé et bouffé potentiellement plein d'Ewok. Téton. Qui était venu chez lui. Ouais. Téton. Et il marche encore, ce truc? Ah, ils nous font une replay. Ah bah voilà. Oh là là. Bon, c'est pas l'effet le plus réussi, hein, je vous l'accorde. Aïe aïe aïe. Non, pas lui. Et maintenant, on est coincé là parce qu'on peut pas passer le trou. Pour la musique. Il dit ça avec un sourire en mode trop content. Mais oui. Oui, il est mort. Ils sont tous l'air défoncés. On sait pas comment, mais on vient. Ah bah voilà. Ah, you fool. Oui, il faut qu'il emporte le père de Wicket. Tu dois sauter dessus. Il va jeter. Incroyable. Ah, c'était un foreshadowing. Incroyable. Le coup de je lance la hache. Cette fois, il a fait une vraie chute. Il crashed, bah, c'est d'un coup, il y a une liane. Ah, elle sort d'où cette, mais oui, d'un coup, il y a une liane. C'est nimp. Yop-dop. Yop-dop, bien sûr. Je sais pas la voix qu'il avait, c'est incroyable. Ah non, on était juste cons. I hope so. Attention, parce que s'il n'avait pas essayé, s'il... Pour qu'il soit fier de lui, il a fallu qu'il leur sauve la vie d'un géant. Et là, à la fin, le daron, il dit, bon, retournons à Coruscant, l'empereur nous attend. Et en fait, c'est un impérial depuis le début. Je sais pas vous, mais moi j'ai le son qui est décalé maintenant. Mais toi, t'as plein de problèmes. Essaye de refaire le plein écran et le remettre. Pour ceux qui nous regardent, on est à 1:32:50 pile. Voilà. C'est bientôt fini. C'est bon. Alors en vrai, c'est elle qui a sauté le monstre. Hein. Ouais. Mais elle a pas eu le finish. Ouais, mais c'est grâce à elle qu'ils l'ont eu. C'est grâce à chacun d'entre eux. J'allais dire mot pour oh, mot. Oh, c'est beau. Bah oui. Faut croire que c'était trop subtil pour Adrien. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Ah, le pauvre. Ah. Ah, on fait la teuf, allez. Ils font la teuf, mais toujours loin du visage. On s'est toujours des parias, quand même. Ouais. En plus, ils ont buté un de leurs potes, un des plus importants gars. Hein. Mm. la fin, Mace, il va regarder seul la nuit dans la forêt et il va voir le fantôme de Chocatroc qui va lui apparaître. Nos enfants se marieront un jour. Oh non, c'est mignon. Oh, c'est cool. C'est belle. Et c'est Astérix. Ouais, c'est ce que j'allais dire, un cosplay d'Astérix. Ouais, c'est clair. Ah un petit sourire malaisé, tout ce genre. Mm-hmm, sure. Yeah, let's get out of here. Ah, incroyable. C'était la caravane du courage. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers boubouilles? Est-ce que tu peux stopper le générique, s'il te plaît, Adrien? Ça me perturbe. Ouais. J'arrête ça. Pourquoi? Je sais. Je laisse parce que je sais que des fois il y a des gens qui aiment bien le générique. Bah, je vais enlever la musique alors. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que. Non, mais c'est bon, je vais couper. T'aimes pas la musique? Mais ça perturbe quand on parle. Bah, d'accord, mais ça répond pas à ma question. C'était quoi la question déjà? T'aimes pas la musique? Je sais plus, moi, c'était il y a une ou deux minutes. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, voilà, toi qui voulais parler. Et toi, Koda, qu'est-ce que t'en as pensé? j'ai trouvé que ça pas si pire. Je m'attendais à plus de cringe. Je trouve que ça fait très film pour enfants qui assume le fait de faire du film pour enfants, en fait. Mm-hmm. Avec les codes, tu sais, les étapes, avec tous les trucs dont ils vont servir plus tard, etc. C'est très... ça correspond à ce que ça vend, quoi, je trouve. Mm-hmm. C'est vrai que moi aussi, je m'attendais à pire. J'ai même envie de voir le deuxième, honnêtement. Alors, attendez. Et pourtant, ouais. c'est ce que je me disais, bien, mais j'ai envie de voir la suite. Parce que, personnellement, en fait, je me rends compte, après avoir revu le film, là, que je fusionne entièrement les deux films ensemble. Et donc, il y a un personnage. Ah. C'est dans le deuxième qu'il y a la sorcière de Datomir, ouais. C'est dans le deuxième. Ouais, qui a l'air de sortir de... Ouais, qui a une magie verte et qui est basque dans le lore. Elle est vraiment sorcière de Datomir. Mais bon, c'est dans le deuxième. Mais dans le deuxième, il y a aussi une créature qui est vraiment cringe à ce fuck. Pensez, j'étais persuadé qu'elle était déjà dans le premier. Et en fait, pas du tout. Mmh. Et du coup, j'ai complètement fusionné les deux films dans ma tête, dans mes souvenirs. Et au final, ça va, ça passe. Ça, c'est le deuxième qui est un peu plus cringe. Mmh. Au final, dans mes souvenirs. Ouais, c'est surtout le deuxième qui est pas bon. Ah, super. Celui-là, il est cringe, mais le deuxième est vraiment... Les Ewoks qui sont encore moins bien faits, donc... Oh, c'est trop bien. Et là, tu m'envoies du rêve, là. Non, mais basiquement, j'ai pas détesté. C'était un peu long au milieu, quand même. Et au final, dès qu'il commence à prendre la route et qu'il commence à y aller, je trouve que le film a ses qualités. Même si c'est pas un grand film, hein, on est d'accord. Mais c'était pas si horrible et c'était même plutôt fun. Mmh. Et toi, tu qui alors? Je dois avoir de la fièvre. c'est vraiment le genre de film que j'aurais regardé quand j'étais enfant les dimanches après-midi avec de la fièvre et ça m'aurait hanté pendant des années. Ça va quand même te hanter pendant des années. Les de Grax. Mais c'était pas dégueulasse non plus, juste vraiment les humains nuls à chier, ce qui est plutôt fun pour le coup, de voir les humains qui sont vraiment encore une fois les déchets de la galaxie. Après il y a le Bora là, le sanglier loup, lui par contre, moi le gamin il m'a laissé un souvenir atroce, quoi. Enfin c'est un truc qui te hante pendant des années après. Ouais, c'est ce que je disais, genre c'est comme les espèces de rats loups-garous de Willow, c'est pas, ouais. J'en ai fait des cauchemars pendant des années, ou le loup à la fin de l'histoire sans fin, là, le gros loup noir, c'est pareil. Gmork. Gmork, ouais. Ah, mais je trouve que justement il y a un truc dans ce genre de film de l'époque où tu sais, enfin justement qui sont faits pour les enfants où t'as les trucs qui font peur, ils font vraiment peur, mais pas peur comme les adultes imaginent que ça fait peur aux enfants. Tu sais, il y a vraiment un truc purement de conte de fées. Ouais, ils font peur dans le sens où t'en fais des cauchemars après pendant 10 ans. Puis un jour tu te dis je vais peut-être regarder le film pour me soigner. Et je trouve qu'on a un peu perdu ça. Je trouve, tant mieux. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est pas forcément un mal, ouais. Ouais, tu vois, t'as fait la comparaison avec une histoire sans fin et à choisir, je préfère de loin ce qu'on vient de regarder parce que je trouve que c'est la narration est plus intéressante. C'est un peu moins long aussi. L'histoire sans fin, mes souvenirs, c'était tellement long. Ouais. C'était long et c'était vraiment badant. Ouais, je me souvenais que c'était pas ouf. En plus, il y avait la série animée en même temps qui passait. Alors... Ouais, mais voilà, aussi, si tu détestes le film, forcément, tu vas préférer un film nul. Ouais, bah, je le déteste pas pour rien. Mais ouais, c'est... Il a ces trucs de créatures à l'ancienne qui font vraiment flipper. Mais, j'aurais préféré qu'il fasse un vrai film des Ewoks. Ouais, pas d'humains. Arrêtez de foutre des humains partout, là. Et d'autant que dans le 2, il y a toujours les deux enfants, quoi. Ah bah, super, le spoiler. Je crois qu'il y a que Sindel dans le 2. C'est la 15? Ah bon? Il me semble. Ah oui? Je fusionne vraiment mes souvenirs. Elle s'est mariée avec Wicket. Ah, c'est horrible. Le reste de la famille est reparti le lendemain, d'ailleurs. Furious? Ah, c'était extraordinaire. Tu m'envoies des screenshots de cette scène, Adrien. Faire des gifs, même. Ouais. Envoie le film à Ika. Sinon, j'aimais bien, c'était fun comme idée de faire un truc sur les Ewoks. J'aime bien le fait que, pour faire un petit peu exotique Star Wars, ils ont pris des animaux qui étaient un peu moins communs à l'époque. Genre, les furets, c'était pas encore vraiment la période où t'avais vraiment des furets de compagnie. Les poules, ils ont pris des poules là qui ont des gueules de tête très spéciales. des chapkas. Ils ont pris les lapins qui ont les oreilles qui tombent, alors que l'image habituelle des lapins, c'est ceux qui ont les oreilles en l'air et tout. Ils ont dit, on va prendre des animaux communs, mais ceux qui sont un tout petit peu différents. Ceux qui sont un peu chers mais moches, là. Mais c'est vrai qu'on était full dans de la fantasy, plus que de la SF, encore plus que dans Star Wars. C'est vrai que c'est très fantasy. Vraiment, c'est à se demander, à part le flingue, la K-47, là, mais... Putain. Non, mais sinon, il y a vachement plus de points communs à Willow qu'à Star Wars, c'est sûr. Ouais. C'était mieux que Willow, hein. Je pense que Adrien, t'es d'accord. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci. Vas-y, finis, Adrien. Merci à toutes, à tous et aux autres d'avoir écouté cet épisode. C'était très cool. Et joyeux Life Day à tous. Bye. Gonda. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Koda? Des bisous. sur les internets, vous cherchez Art of Koda Leia ou Koda Leia et vous me trouvez. Voilà, super. C'est pas trop compliqué. Yes. Je rappelle, tu fais des dessins, mais tu fais aussi partie de Star Wars en direct maintenant, c'est ça? Oui, tout à fait. Je parle en général une fois toutes les deux semaines qu'on fait un petit débrief de ce qui vient de sortir de Star Wars en termes de news. Et puis quand on arrive à tomber sur des séries, on fait les débriefs des séries. Voilà, super. Donc voilà, vous avez plein d'endroits pour la retrouver. Et nous, vous savez déjà où nous trouver, sinon vous seriez pas là. Alors je vous fais un gros bisou et à bientôt tout le monde. Lurdo. Bye. Yep. Furries Gourga Gonda.